Bonsoir. Dans Autant n'importe l'histoire aujourd'hui, Georges Sand et Alfred de Musset, une passion à Venise. Une nuit de décembre 1833, une calèche couverte de bagages file sur les routes du Morvan. À l'intérieur, une femme et un homme qui se connaissent à peine, mais qui s'aiment et ont décidé sur un coup de tête de partir ensemble en Italie, la patrie des romantiques. Elle, c'est George Sand. D'une réputation déjà scandaleuse pour ses premiers romans et la liberté de ses mœurs, la jeune femme à la beauté brune, aux grands yeux noirs, qui s'habille en homme et fume la pipe, a trouvé, pense-t-elle, un amour à la hauteur de son génie. Tout comme Alfred de Musset, un poète blond et beau de 23 ans, encore quasi inconnu. Dandy en redingote et gilet bariolé, le futur auteur de Lorenzaccio et des Confessions d'un enfant du siècle est un débauché, alcoolique et dépressif. Lorsque les deux amants épris d'absolu arriveront à Venise, leur passion fusionnelle tournera vite au drame. Mais elle entrera aussi dans la légende, celle des grandes amours littéraires et romantiques. France Inter, Stéphanie Duncan, Autant en emporte l'histoire. Martine Reed, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur de littérature française à l'Université de Lille, spécialiste de George Sand. Parmi les grandes histoires d'amour littéraire, il y a Héloïse et Abella, Roméo et Juliette, Louis Aragon, Elsa Triolet, Dante et Béatrice, hein, tout ça à des différentes époques et dans différents pays. Et j'en passe beaucoup. Et il y a donc George Sand et Alfred de Musset. Comment se fait-il que cette histoire d'amour soit entrée justement dans la légende ? Il faut savoir qu'elle est entrée dans la légende au moment même où elle se passait, ce qui n'est pas très habituel. George Sand est extrêmement connu, vous l'avez rappelé à l'instant. Musset l'est un peu moins, mais sa publication, quand il a 19 ans, a fait sensation. Et du coup, il est entré dans le petit cénacle des auteurs romantiques. Qu'est-ce qu'il a écrit à ce moment-là ? Il a écrit Contes d'Espagne et d'Italie, et ça l'a rendu célèbre du jour au lendemain. Ouais. Donc on a vraiment deux auteurs déjà très médiatisés dans les années 30, au sens où les journaux suivent leurs déplacements. Et non seulement les journaux suivent leurs déplacements, mais leurs amis écrivains commentent inlassablement dans leurs lettres ce qui leur arrive, le fameux voyage en Italie. Et tout le long de cette histoire qui va durer un peu moins d'un an et demi au total, il y aura d'incessants commentaires à la fois dans des correspondances privées et à l'extérieur. Et c'est certainement une des raisons pour lesquelles la légende, comme vous avez appelé, s'est mise en place. Oui, le people, ça existe déjà. Oui, à cette époque-là, dans un cercle un peu restreint. Tout à fait. Tout. Et puis, on est dans une période quand même assez particulière, 1833, l'année où ils se rencontrent. On est trois ans après la bataille d'Hernani, à laquelle on a consacré une émission il n'y a pas longtemps. C'est quoi ce contexte aussi politique et à la fois artistique ? À ce moment-là. C'est le moment des débuts de ce qu'on a appelé parfois le proto-socialisme. Et évidemment, George Sand est républicaine et les socialistes. Ce n'est pas le cas de Musset. Oui, mais on est quand même dans une monarchie. Mais même si c'est la monarchie de Louis-Philippe. Voilà, c'est ça. La monarchie de Louis-Philippe paraît, en effet, régime constitutionnel, un moment de plus grande liberté. Et par ailleurs, le milieu littéraire, c'est celui de la bohème. Et on voit effectivement des comportements extrêmement libres de la part de la quasi-totalité des acteurs de ce milieu, qu'on considère Victor Hugo, qu'on considère Sainte-Beuve, qu'on considère Lamartine, etc. On voit des comportements... Balzac, bien sûr, qui est un des grands amis de George Sand. Et donc, le milieu est très libre. Et c'est donc une période à la fois de... On est dans la Restauration, même si effectivement on est sous Louis-Philippe, mais en même temps il y a une sorte d'aspiration à plus de liberté, liberté politique, mais aussi une liberté dans les mœurs, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes. Chez les femmes, pas encore plus, trop. Plus difficilement, assurément, que chez les hommes. Les hommes ont toujours choisi d'être dans une position de liberté, à l'égard de laquelle ils prenaient toutes sortes d'arrangements, alors que pour les femmes, c'est beaucoup plus difficile. Et c'est là aussi que le cas Sand, disons, va être appréhendé d'une façon très différente, et que les jugements vont être extrêmement négatif. Personne ne critique la conduite de Musset avant qu'il ne rencontre George Sand, alors que George Sand, qui a, en 1832, quitté son mari, ses enfants, pour aller vivre avec un amant qui ensuite va disparaître à Paris, ça c'est une conduite qui est unanimement décriée. Oui, parce que George Sand, donc à cette époque-là, donc en 1833, elle a 29 ans, elle est un peu à un carrefour de sa vie, enfin un moment décisif, comme vous venez de le dire, Martin Reed, elle a quitté son mari et elle s'est créé ce nom, George Sand, pour inventer sa propre vie, sa propre liberté. Tout à fait. Et elle est vue donc comme quelqu'un qui a, en 1832, publié Indiana, qui est le premier roman. Indiana, signé de cet énigmatique G. Sand, on a cru à un moment donné que c'était un pseudonyme de Balzac, ce qui, dans un sens, est un compliment, puisqu'évidemment, on a dit, voilà, un roman de première force. Après, on a su que c'était une femme, et que c'était une femme qui, pour la littérature, et bientôt dans la vie, va prendre ce nom très étrange de George Sand. Et Musset, à ce moment-là, donc, il a 23 ans, il est très jeune, il a écrit ce premier ouvrage. Oui. Mais c'est quand même une personnalité assez étrange. Oui, parce qu'il est, mais en même temps, il est bien intégré dans le milieu de la bohème littéraire romantique. Et c'est d'ailleurs à l'occasion d'un dîner où George Sand est la seule femme, un dîner de camarades en littérature, que surgit George Sand et qu'alors, assez rapidement, les choses se mettent en place. C'est l'affaire de quelques semaines. On pense qu'ils sont devenus amants en juillet 1833. Martin Reed, on poursuit cette discussion dans une trentaine de minutes. Tout de suite, George Sand et Alfred de Musset, Une passion à Venise, un texte de Christine Spianti, écrit spécialement pour Autant en emporte l'histoire. Réalisation, Christophe Hoquet. Alfred ? Il dort. C'est bien. Nous arriverons à temps pour rattraper le bateau. Quelle folie ce départ. J'ai failli oublier de fermer les meubles à clé, au cas où mon mari viendrait fouiller dans mes papiers. Quand j'ai mis Solange et la bonne dans la malle poste direction Nohant, j'étais pas fière. Mais elle était ravie. Pourvu que son père me donne des nouvelles. Et le déménagement des affaires de Maurice chez ma mère. J'ai eu bien du mal à lui faire accepter de le prendre, les jours où il ne va pas au lycée. J'ai rien oublié. J'ai bien mis les deux couvertures, une en laine et une de coton, il est tellement frileux. Et la boîte de crayons pour qu'il dessine ses petits bonshommes. Je suis triste de les quitter. Encore une fois tout risqué, leur bonheur, le mien, quelle insouciance. Mais comment renoncer à l'amour de cet ange, aimer et être aimé? Il n'y a que cela de bon sur Terre. 13 décembre 1833, George Sand part en Italie avec son amant. La voiture vient de quitter Auxerre. 6 mois plus tôt, le directeur de la revue Les Deux Mondes avait invité à dîner au restaurant tous ses collaborateurs. Le dernier numéro de la revue contenait à la fois Indiana, de George Sand, auteur déjà à succès, et Les Caprices de Marianne, une pièce de théâtre d'un jeune inconnu, Alfred de Musset. Une coïncidence, ils se rencontrent, elle a 29 ans, lui 23. Par cette froide nuit de décembre, dans une calèche chargée de bagages, ils traversent ensemble le Morvan et ses forêts. Avec cette route verglacée, on va se briser. Mais rien n'éveille Alfred. Un sommeil d'enfant, c'est un danger. Un peu mauvais garçon, un peu dandy. Rieur, voire cynique après le champagne. Il a une désinvolture arrogante. C'est l'effet qu'il m'a fait la première fois. Mais il a aussi une candeur, une tendresse. Cet amour, comme je l'ai refusé d'abord. J'en avais fini avec la passion. Et puis un jour, sa lettre. 25 juillet 1833. Mon cher Georges, j'ai quelque chose de bête à vous dire. Je vous l'écris sottement au lieu de vous l'avoir dit, je ne sais pourquoi, en rentrant de cette promenade. Vous allez me rire au nez, me prendre pour un faiseur de phrases dans tous mes rapports avec vous jusqu'ici. Vous me mettrez à la porte, vous croirez que je mens. Je suis amoureux de vous. Je le suis depuis le premier jour où j'ai été chez vous. Maintenant, Georges, vous allez dire, encore un qui va m'ennuyer, comme vous dites. Je sais ce que vous pensez de moi et je n'espère rien en vous disant cela. Mais je sais que vous êtes bonne, que vous avez aimé et je me confie à vous, non pas comme à une maîtresse, mais comme à un camarade franc et loyal. Georges, je serais fou de me priver du plaisir de vous voir. La vérité est que je souffre et que la force me manque. Aimer ceux qui savent aimer, je ne sais que souffrir. Adieu, Georges, je vous aime comme un enfant. Et me voilà en route vers l'Italie, le pays de mes rêves, traversant l'Europe avec quelqu'un que je connais à peine, dans un pays dont nous ne connaissons pas la langue ni personne. Vivre notre rêve. On arrive. Quelle idée folle. Mon Georges. Ce 13 décembre, laissant derrière eux le Morvan, la calèche qui emporte Georges et Alfred roule à vive allure vers Châlons, au cœur de la Bourgogne. Le lendemain, ils reprennent la route et atteignent Lyon. Là, ils prennent un bateau à vapeur pour descendre le Rhône jusqu'à Marseille, où ils embarquent pour Gênes le 15 décembre 1833. Tu es là. Je te cherchais partout sur le pont. Je n'arrive pas à dormir. J'ai tellement hâte d'arriver. La nuit est claire. Reste. Nous serons les premiers à voir les côtes d'Italie. Tu frissonnes? Tu as froid? Je suis heureuse. Très heureuse. Regarde la nuit. Les étoiles. La mer à l'horizon. Tu as un cigare pour moi? Mon amour, tu souris aux étoiles? C'est à cause d'une ânerie. D'un ange que j'aime. Je suis enamourée très sérieusement, tu sais. Et bien forcé d'avouer que Dieu met en nous des joies sublimes. Tu ris. Oui, tu te moques de moi. Alors tu ne regrettes pas ton caprice? Ce n'est plus un caprice. Dis, m'aimeras-tu toujours? Dis-moi, tu auras ce courage? Toutes les fois que je relèverai la tête dans la tempête, tu seras là. Je ne sais pas. Je suis capable de tout. J'ai parfois le cerveau traversé de fantaisies. Mais toutes les petites choses qui m'agaçaient en toi, je ne les vois plus. Et chaque jour, je t'aime plus. Viens, dans mes bras. Te voilà revenu dans mes nuits étoilées. Bel ange aux yeux d'azur, aux paupières voilées. Amour, mon bien suprême, et que j'avais perdu. J'ai cru, pendant 3 ans, te vaincre et te maudire. Et toi, les yeux en pleurs, avec ton doux sourire, au chevet de mon lit, te voilà revenu. J'ai écrit ça dans mon bain après notre première nuit. Moi, je voulais pas t'aimer, je m'en moquais. J'aimais toutes les femmes et je les méprisais toutes. Même ivre, j'étais triste. Tu t'es donné un libertin, tu le sais. Apprends-moi à te plaire toujours et fais-moi confiance. J'ai confiance comme jamais. Je t'aime, toi. Avant toi, je m'ennuyais consciencieusement de tout. Des débauches, des soupers de filles, rien de pire au monde. L'ennui qui se fait croire qu'il est la vie. Mais comment peux-tu parler d'ennui? Tu es un artiste. Je suis pas comme toi à travailler 6 heures, aller regarder couler la scène 5 minutes et recommencer. Quand je fais 3 verres et un hémistiche en une journée, je suis content. Et le lendemain, il me dégoûte. Moi, sitôt que je prends la plume, j'ai une rame en main comme aux galères. Ne me dis pas que tu es un poète par paresse. Être poète, c'est juste vivre. Chanter, rire, pleurer, seul, sans but, au hasard. Mais toi et moi, nous cherchons la même chose. Un certain battement de cœur qui fait venir les larmes. Qui nous fait vivre vraiment l'émotion. Alors pourquoi n'écris-tu pas de roman? Dire le monde tel qu'il est, je crois, n'est pas possible. Le roman, c'est la société, je la crois perdue. Je la trouve odieuse. Oh, I'm gloomy today. Gloomy? Gloomy? Qu'est-ce que ça veut dire, Alfred? Le cafard. Je désespère un peu cette nuit. Je pensais à cela dans la cabine. Je suis pas sûr de mériter ce bonheur que tu me donnes. Je vais tout gâcher. J'ai peur. Peur? Je comprends. Le calme, le bonheur. Tu as peur de perdre le feu sacré? De n'avoir plus de poésie à écrire? Non, mon Georges. Avant de te rencontrer, je savais vraiment pas quoi faire de ma peau. Je me suis jamais senti autant exister. Moi, je pense qu'à moi. Parle un peu, toi. Il n'y a rien à dire. Je n'ai qu'un amour sur la terre. Toi, rien de plus. Nous allons bien nous aimer, tu vas voir, loin de tout. Et ne rien faire? Dis, vive le farniente. Tu vas pas trop travailler, j'espère. Si, j'ai 10 de textes à maçonner, comme dit ma fille, pour rembourser mon éditeur. Tu parles toujours de tes livres comme d'une espèce de contrepartie pour payer le boulanger. Madame du feuilleton. Les enfants, l'appartement, la gouvernante, il faut de l'argent. Et puis j'aime le travail. Regarde, là-bas, ce sont les côtes de l'Italie, non? Au fait, on ne sait toujours pas par où commencera notre vita nuova. Venise ou Rome? Moi, ça m'est égal. Nous passerons toutes nos journées ensemble, c'est tout ce qui importe. Jouons-le à pile ou face, veux-tu? Face Venise, pile Rome. Face. Face. Face. Venise. Il faut y voir une destinée. En partant pour l'Italie, Georges et Alfred choisissent de s'isoler. L'Italie est la terre d'élection des auteurs romantiques, de Byron à Goethe, de Chateaubriand à Lamartine, dans l'expérience de la solitude et de la sensibilité. Le projet de Sand et Musset est singulier. Ils veulent vivre ensemble en romantique, étendre le romantisme de la littérature à l'existence même. Mais à peine arrivé à Gênes, le 21 décembre, Georges Sand tombe malade. Alfred sort seul et reprend sa vie habituelle. Demi-mondaine, alcool, opium, dette de jeu. Il trompe Georges avec une danseuse. Le 31 décembre, enfin, ils arrivent à Venise. Ils descendent à l'hôtel Danieli. Situé à deux pas de la place Saint-Marc, sa terrasse donne sur le Grand Canal et la basilique de la Salute qu'on ne peut rejoindre qu'en gondole. Georges, Georges, lève-toi. Nous sommes à quai. Attrape ma main que je t'aide à descendre. Oh Alfred, ma migraine est insupportable. Je retourne à l'hôtel. Eh bien, fais comme tu l'entends. J'ai la fièvre. J'ai voulu t'accompagner, mais cela a épuisé mes forces. C'est bien ennuyeux, une femme malade. Tes yeux larmoyants, sans cesse prise de malaise. Alfred, ton indifférence me rend triste. Le mal des gens d'esprit, c'est leur indifférence. Je vais me trouver mal. Tu rentres avec moi? Non. Où vas-tu? Au casino Danieli. Jouer et faire des dettes. Attends! Attends, je vais faire un effort. Je viens avec toi. Je me sens mieux. Je reste avec toi. Non, écoute, Georges. Si, je vais t'accompagner. Écoute, Georges, je me suis trompé. Je t'en demande pardon. Je ne t'aime pas. Et il m'a abandonné sur des paroles si brutales. Pour une fièvre tierce et des yeux battus, comme j'ai froid dans cette chambre. Toute seule, si loin de chez moi, je vais partir. Mais il n'a pas d'argent. Et il ne voudra pas en accepter de moi. Je ne peux pas le laisser seul à l'étranger, sans un sou. J'ai si chaud, là. Que fait-il toutes les nuits? Où court-il? Vers qui? Georges! Mon Georges, j'ai du champagne. Mon enfant, que de mal je t'ai fait, je suis tellement coupable. Non, laisse-moi. Oh, mon Georges, je suis malheureux, je suis fou. Je suis stupide, ingrat. Non, c'est plus possible, Alfred. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tes vêtements sont pleins de sang. Non, c'est rien. Georges, je t'ai offensé, ce que j'ai dit. Comme je t'ai quitté. Quand j'ai fait trois pas, j'ai cru que j'allais tomber. Change un mot. Non, non, pas de pardon, je le mérite pas. Dis-moi seulement. L'ivresse, le vin, les filles, encore et toujours. Pourquoi faudrait-il prolonger cette honte pour moi et ce supplice pour toi? Je vais partir. Non, je t'en supplie. Si je te perdais, je t'aime comme on n'a jamais aimé. Ma vie, mon bien suprême. Pardon, pardon à genoux. Pense au bonheur que j'ai là dans le cœur pour nous, hélas. Georges, j'ai jamais souffert ainsi. Et puis tu peux pas m'abandonner. Je crains d'avoir une mauvaise maladie. À la mi-janvier, Alfred est malade à son tour d'une fièvre typhoïde, alité sous les lourdes tentures de satin doré de la chambre du Danieli. Georges, elle, va mieux et découvre enfin la vie à Venise. La ville, après avoir été sous domination napoléonienne, a été livrée en 1814 à l'occupation autrichienne. Malgré cela, comme tous les ans, le 3 février, un acrobate survole la foule, suspendu à un filin tendu entre le campanile de San Marco et le palais des Doges. C'est le vol de l'ange qui donne le coup d'envoi au carnaval. Comme c'est beau. La lagune couverte de barques pavoisées, masques et mandolines, rires et lazzi. Un café et un petit cigare à la terrasse du Florian. Le bonheur. Comme j'aime cette ville. Je pourrais y vivre avec les enfants. J'achèterais un vieux palais désert. Je vivrai de travail et de poésie, d'huîtres et de vin de Chypre. Il faut que je rentre à l'hôtel. Alfred est si malade. Il ne nous reste que 600 francs que je vais dépenser en pharmacie et en médecin. Et Bulos, qui ne veut pas m'envoyer les 1000 francs qu'il me doit, mérite des coups de pied au cul. Je travaille pour lui à en crever, mais est-ce que je peux m'occuper de littérature en ce moment? 17 jours que je suis au chevet d'Alfred. La nuit dernière, 6 heures de délire. Il courait nu dans la chambre, des cris, des convulsions, quel spectacle. Je dois y retourner. Dieu sait dans quel état je vais le retrouver. Le médecin ne sait quoi penser. Pourquoi sperare? Pourquoi sperare? Je deviens fou. J'ai eu une hallucination. Georges et le docteur Pagello assis à mon chevet. Ils parlaient de mon état. Leur voix était faible et lointaine, mais parfois elle résonnait dans ma tête. C'était insupportable. Il s'est approché pour prendre mon pouls. Puis un coup de tonnerre dans ma tête. Je me suis évanoui et là, je les ai vus. Elle avait la tête renversée en arrière. Je n'avais pas la force d'ouvrir les yeux. Ils s'embrassaient. Non, je ne peux pas croire une chose si horrible. Ah, ce froid qui monte du fond de mon lit. Ce souffle glacé dans la moelle de mes os. L'air du tombeau. Ah. Georges passe la main sur mon front et je sens un peu de chaleur. Alfred. Je suis si froid. Alfred, doucement. Je suis vivant, Georges. Oui. Dis, vous n'irez pas dîner ensemble à Murano, toi et le médecin. Je vais mourir, Georges. Ma mère disait que je reviendrais jamais si je partais. Tu m'as ravi à elle. Chut, Alfred, mon ange. Tais-toi, calme-toi. Il y a une musique, non? C'est carnaval. Georges, la nuit où nous sommes arrivés, tu as dit quelque chose que notre gondole ressemblait à un cercueil. Chut, j'étais malade, Alfred. Je voyais tout en noir. Tu te rends compte? J'ai tout risqué ce jour-là pour monter dans cette gondole avec toi. C'était tellement beau. Venise, la première fois. Le canal de la Giudecca, la lune derrière les coupoles de Saint-Marc. Tu te souviens? J'ai dit... Qu'est-ce que j'ai dit? Comme nous sommes heureux. Oui, une joie d'enfant. Je sentais que la poésie me parlerait ici. Pauvre, tu ne prévoyais pas. Mais tu es sauvé maintenant, Alfred. Sauvé, le médecin. Oui, il m'a sauvé la vie. Sa potion m'a guéri, mais elle est amère comme tout ce qui me vient de lui. Comme la vie que je lui dois. De quoi parles-tu? Quel homme, ce docteur Pagello. Un cœur, une force. C'est l'homme qu'il te faut, ma pauvre Georges. Celui-là saura te respecter. Tout est oublié, Alfred. Tu n'as pas le droit de t'inquiéter. J'en ai toujours le droit, que je sache. Je passe encore pour ton amant. Vous devriez au moins vous cacher. Tout mon regret, c'est de n'avoir pas mis 10 francs sur ta cheminée le jour où je t'ai eu pour la première fois. T'es une catin. Non, pardon. Bon, Georges, je t'aime. Je sais plus si je vis, si je respire. Mais je sais que je t'aime. Oh, toi, ma vie. Allons, repose-toi, Alfred. Il faut guérir. Non, je ne guérirai pas. Et non, je n'essaierai pas de vivre. J'aime mieux mourir en t'aimant que de vivre sans toi. Approche. Non, tu m'étrangles. Calme-toi. Tu me serres trop fort, Alfred. Tu me fais peur. Il ne peut pas partir comme ça. Il est si faible, non. Pourquoi nous sommes-nous encore querellés, mon Dieu? Trop tard. Il s'est déjà embarqué. Alfred, guéri, a pris place dans une gondole qui traverse la lagune pour le conduire à Mestre sur la terre ferme. Georges décide de rester à Venise. Le docteur Pagello, qui les a tous deux soignés, est amoureux d'elle. Georges s'installe dans un petit appartement du quartier de l'église Sainte-Fantine, près de la Fenice. Padoue, 29 mars. Tu m'as dit de partir, et je suis parti. Tu m'as dit de vivre, et je vis. Il est 8 heures du soir et je suis fatigué. Ne doute pas de mon courage. Écris-moi à Milan, frère chéri, Georges bien-aimé. Venise, 15 avril. J'étais au désespoir, mon cher ange. Ne crois pas que je puisse être heureuse, Alfred, avec la pensée d'avoir perdu ton cœur. Je sais que je t'aime et c'est tout. Nous sommes nés pour nous connaître. Et pour nous aimer, sois-en sûr. Sans la faiblesse que tes larmes m'ont causée un certain matin, nous serions restés frères et sœurs. Ne dis jamais que tu as eu des torts envers moi. Qu'en sais-je? Je ne me souviens plus de rien. Paris. Mon ami chéri, Ton éditeur me dit que l'important est d'envoyer la suite de ton roman André, et il fera suivre l'argent. De quoi payer tes dettes à Venise, mais pas assez pour la quitter, je le crains. Si un jour tu es quelque part, seul et triste, comme sur la plage du Lido, souviens-toi qu'il y a dans un coin du monde un être dont tu es le premier et le dernier amour. Néglige-moi, oublie-moi, qu'importe. Ne t'ai-je pas tenu ? Oui, je t'ai tenu dans ces bras-là. Et je n'aime que toi. Pourquoi ? Tu ne mens pas. Je m'en vais faire un roman. J'ai bien envie d'écrire notre histoire. Je voudrais te bâtir un hôtel, fût-ce avec mes os. Mais j'attendrai ta permission formelle. Adieu, mon ami, ma seule maîtresse. Écris-moi. Surtout, écris-moi. Venise. Cher ange, fais ce que tu voudras. Roman, poème, parle de moi comme tu veux. Je me livre à toi les yeux bandés. Mon Sansonnet est mort et j'ai pleuré. Voilà-t-il pas une belle histoire ? J'attends qu'il m'arrive quelques sous pour acheter une tourterelle. Non, mon enfant chéri, ne méprise pas mon souvenir, mais qu'il n'empoisonne aucune des jouissances de ta vie. Sois heureux, sois aimé. Aime. Aime, Alfred. Aime pour de bon. Aime une femme jeune et belle qui n'a pas encore souffert. Laisse-toi faire. Ne résiste pas. Et aime toujours ton pauvre vieux. Georges. 5 mois durant, seul à Venise, George Sand travaille avec acharnement. Elle doit rattraper le retard pris avec la maladie d'Alfred et honorer le contrat qui la lie à son éditeur. De mars à juillet, elle écrit de nombreuses nouvelles et pas moins de 4 grands romans. Léon et Léonie, André, Jacques et les lettres d'un voyageur. Le 12 août 1834, George quitte définitivement Venise pour regagner Paris. Elle voyage en compagnie du docteur Pagello, que Musset a supplié d'accompagner Georges pour cette longue route et qui retournera très vite à Venise. On arrive. La plaine de la Beauce à perte de vue. Je me sens de la force pour vivre, pour travailler. Oh, le clocher de Chartres au loin. Nous serons à Paris à midi. Je n'ai pas annoncé mon retour à Bulose, qui peste, paraît-il, contre cette diablesse de femme, moi. Je lui dois encore un volume, j'ai un mois de retard. Oh là là, lui et moi, on s'entendra toujours bien pour l'argent. Il est le plus honnête coquin que je connaisse, et moi le moins fripon des gens de lettres. J'ai tellement hâte de revoir mes enfants. Presser ma grande fille chérie contre mon cœur. C'est Maurice qui va être content. Je serai à la distribution des prix. L'appartement devrait être prêt, les rideaux posés. Je vais retrouver une chambre sombre et fraîche. Il faisait si chaud à Venise. L'été est insupportable là-bas. Et Alfred ? De deux choses l'une. Ou il aura repris son ancienne vie de plaisir, ou il sera amoureux d'une autre. Dans l'un et l'autre cas, il cesse d'être amoureux de moi. Comme c'est étrange, Venise. Je croyais y passer en voyageur. Qui eût prédit qu'elle allait s'emparer de moi, de mes passions, de mon cœur, de mes idées ? Qui eût prédit qu'elle allait me balloter comme un débris par la mer, le frappant sur ses grèves ? Eh bien, qui me l'eût prédit ne m'eût pas fait reculer. Je lui aurais répondu : tout se peut, et tout ce qui peut arriver peut être supporté, car tout ce qui peut être supporté peut aussi ne pas arriver. Quand reviendra-t-elle ? Midi à Saint-Thomas d'Aquin, elle est là ? Elle est peut-être déjà à Paris. Elle va me revenir, j'en suis sûr. Au début, j'ai cru n'éprouver ni regret ni douleur. Je m'éloignais fièrement. Mais quand j'ai regardé autour de moi, j'ai vu un désert. Une souffrance inattendue. Quelque chose d'horriblement triste et tendre. Je vais lui raconter tout ça. Comment je me suis enfermé 4 mois dans ma chambre, sans voir personne. Juste une partie d'échecs avec mon frère, que je jouais machinalement tous les soirs. Puis, la douleur s'est calmée. Je me suis jeté à corps perdu dans mon ancienne vie. Mais je ne reconnaissais plus rien. Les romances, les amis. J'ai cherché un nouvel amour. Hier, j'ai rencontré une pauvre fille d'opéra. Je suis rentré à 8 heures, dormir, en pensant à Georges. Toi qui me l'as appris, tu ne t'en souviens plus. De tout ce que mon cœur renfermait de tendresse. Quand dans la nuit profonde, ô ma belle maîtresse, je venais en pleurant tomber dans tes bras nus. Est-ce que je vais revoir Alfred ? Oh non. J'ai laissé passer quelques mois pour pouvoir me rapprocher de lui sans danger. Non. Et puis là, j'ai 350 lieues dans le postérieur, plus un coup de soleil sur le nez et le teint couleur de brique. Je défie bien tout animal appartenant à notre espèce de ne pas frémir d'horreur me voyant. Ça m'est bien égal. J'ai le cœur rempli de joie. En avril 1834, c'est une ambiance insurrectionnelle que Musset découvre à son retour d'Italie. En février, Louis-Philippe, le roi des Français, a fait voter une série de lois qui visent à encadrer la vente des journaux et interdire les associations politiques. Les républicains ont organisé des manifestations. La troupe a tiré sur la foule. Alfred de Musset, indifférent à l'agitation et bouleversé par l'expérience vénitienne, est au travail. Il achève et publie dans la Revue des Deux Mondes sa pièce de théâtre « On ne badine pas avec l'amour ». Et il écrit un roman, « La confession d'un enfant du siècle ». Le 14 août 1834, dès que Georges retrouve le quai Malaquais, elle demande à le voir. « Mon amour, pauvre ange, tu veux bien que nous nous voyons ? Et moi, si je le veux. Mais ne crains pas de moi, mon enfant, la moindre parole, la moindre chose. Je ne te ferai plus jamais de mal. Reçois-moi. Pleurons ou rions ensemble. Ainsi, un mot, dis-moi ton heure. Sera-ce ce soir ? Demain ? Quand tu voudras. Quand tu auras une heure, un instant à perdre. Réponds-moi une ligne. Si c'est ce soir, tant mieux. Si c'est dans un mois, j'y serai. Ce sera quand tu n'auras rien à faire. Moi, je n'ai affaire que de t'aimer. Ton frère Alfred. Allez, pars maintenant, il faut que je travaille. Vers 8 heures demain, tu peux ? Non. J'ai écrit énormément de sottises à Venise qui sont sous presse. Entre autres, un roman en deux volumes appelé Jacques, tout bêtement, où je m'essaye au sublime. Maintenant, il faut que je corrige les épreuves. La semaine prochaine, alors. Nous nous reverrons, dit. Depuis que tu es revenu de Venise, nous avons si souvent rompu, repris... C'est un jeu. Nous jouons tout cela, vois-tu. Nos lettres servent à écrire nos romans, notre théâtre, mais nos vies sont en jeu, non ? Ce n'est pas tout à fait aussi plaisant que ça en a l'air. Quitte-moi si tu veux. Moi, je ne peux pas. C'est de la folie. Moi, j'en aurai jamais la force. J'ai désiré notre séparation tous les jours, au moins une heure par jour, depuis que tu es venu me chercher à mon retour pour m'emmener dîner avec toi. Mais je n'ai pas confiance dans cette vie. Je ne veux plus de toi, mais je ne peux pas m'en passer. Reste, pars, fais ce que tu veux. Tu as un amant. Mon frère chéri, c'est donc vrai ? Je crois, je le sens. Moi, j'ai que toi, j'ai tout nié. Tout blasphémé, je doute de tout, hormis de toi. Ramenta il nostro amor. Non, non, allez, c'est assez. Je te pardonne tous mes parts maintenant. Je deviendrai méchante. Cette folle jalousie à tout propos, au milieu de tout cela, comme si toi... Tu devrais me gifler quand je t'outrage. Dieu m'a faite douce, mais cependant fière. Méfie-toi que mon amour ne soit plus que de la pitié. Il faut que ton cœur soit bien malade pour que tu n'aies plus d'indulgence pour moi. C'est qu'ils disent que tu as un amant. Tu me dis des mots qui m'affligent et je ne sais pas me taire. Je ne sais pas sourire. Ma vie, attends. Attends, je t'en supplie, ne me condamne pas. Alfred, laisse-moi maintenant. Plus tu perds le droit d'être jaloux, plus tu le deviens. Il s'est passé bien des choses à Venise, mon cher Georges. Qui ont éveillé mes soupçons pour toujours. J'étais sûre que ces reproches-là viendraient un jour. Que faire, mon Dieu ? En sommes-nous déjà là ? Qu'est-ce que tu veux à présent ? Qu'est-ce que tu me demandes ? Pourquoi me parler de Pagello quand je t'ai défendu de m'en parler jamais ? Est-ce que tu l'aimais déjà avant que je sois malade ? Est-ce moi qui ai dit « Je ne t'aime plus, je ne t'ai pas aimé » devant le casino d'Agnelli ? Tu m'as blessée et offensée. Pagello est venu me soigner. Tu ne pensais guère être jaloux quand tu passais tes nuits dehors ? Et quand je l'aurais aimé dès ce moment-là, quand j'aurais été à lui, peux-tu me dire quel compte j'avais à te rendre ? À toi qui m'appelais l'ennui personnifié, la rêveuse, la bête, la religieuse, que sais-je ? Et je te l'avais dit aussi, nous ne nous aimons plus, nous ne nous sommes pas aimés. Et à présent, tu veux l'historique, jour par jour et heure par heure, de ma liaison avec Pagello? Je ne te reconnais pas le droit de me questionner. Je m'avilirais en me faisant confesser comme une femme qui t'aurait trompé. Non, réponds. Dis-le-moi. Est-ce qu'il était ton amant avant que je quitte Venise? Je veux en avoir le cœur net. Ce n'est pas du premier jour que j'ai aimé Pagello. Et même après ton départ, il s'est trouvé dans sa vie des liens mal rompus avec d'anciennes maîtresses, des situations ridicules et désagréables qui m'ont fait hésiter à me considérer comme engagée. Mais je te défends d'entrer dans cette phase de ma vie. Je n'étais plus à toi. J'avais le droit de ne plus te rendre de compte. Tout est fini. Me voilà lancé dans le monde, c'est-à-dire errant, sous, boulevard des Italiens. Personne chez Hardy. Je pousse au café riche, les amis y sont peut-être. Ou au bain chinois. Je me laisserai pas entraîner comme l'autre soir. Ah non, tellement sous que j'ai proposé à toute la bande de leur donner le spectacle de moi baisant une fille au milieu de 25 chandelles et j'ai pas tenu. Quelle heure est-il? Reste le tripot ou le bordel? Je joue à pile ou face? Oh, comme je m'ennuie. Le jeu, les chevaux, champagne. Il faut que j'aie une maîtresse. Un corps dans ses bras vides. Tout est là. Et après lui dire, que sais-tu de moi? Toi que j'ai possédé. J'avais cessé avec Georges d'être un libertin sans cœur, mais suis-je devenu autre chose? Je la regardais dormir le matin à Venise. Je donnerais n'importe quoi pour revivre ces matinées-là. À Paris, je ne suis qu'orgueil et bravade. Quittons le boulevard des Italiens. N'importe où, je sais pas. Montmorency, pourquoi pas? De la verdure, voilà ce qu'il me faut. Et beaucoup d'irrévocables bonnes résolutions d'un jour. C'est fini. Si vous la voyez, dites-lui que je l'aime de tout mon cœur. Que c'est encore la femme la plus puissante que j'ai jamais connue. Et que je donnerai toutes mes maîtresses au diable pour être cocu de sa façon. Janvier 1835, Alfred est redevenu mon amant. Le 14 février 1835, George Sand et Alfred de Musset assistent ensemble à la première de Chatterton d'Alfred de Vigny à la Comédie-Française, grand rendez-vous du Paris romantique. Quelques mois plus tôt, Bulloz, l'éditeur de la Revue des Deux Mondes, avait commandé au peintre Delacroix un portrait de George Sand. Elle y apparaît cheveux courts. Lors d'une énième séparation, elle s'est coupée les cheveux qu'elle avait très longs et les a envoyés à Musset. Le tableau a pour titre « George Sand habillé en homme ». Sur ce tableau apparaît la figure même de l'émancipation féminine. George Sand va s'emparer aussi des idées républicaines. Le 6 mars 1835, bien décidée à organiser et défendre sa liberté, elle rompt brutalement avec Alfred et part pour le Berry. Elle a en tête d'engager un procès en séparation contre son mari, le baron du Devant, de demander la garde de ses deux enfants et la restitution de son bien, sa chère maison de Nohant. S'éveiller à Nohant, quel bonheur! J'ai cru ne jamais pouvoir lui échapper. Il a fallu dire que ma mère était malade et enfin Alfred m'a laissé partir. Voilà comment a fini cette histoire, sur un vaudeville. La seule chose qui m'inquiète, c'est la santé d'Alfred. J'ai fait ce que je devais faire. Un peu tard. Les oiseaux de Nohant. À Venise, j'avais un petit sansonnet. Un jeune gars me l'avait vendu. Pour 5 sous, j'avais un compagnon gay qui ne demandait qu'à m'aimer toute sa vie. Tout cela n'était donc qu'un roman. Oui, rien qu'un rêve. Et moi, imbécile enfant que je suis, je marchais de bonne foi. Questo non importa. Je suis à Nohant. Je sors au soleil levant, pieds nus dans l'herbe. Je m'assois sous les saules. Au printemps, la lumière est magnifique. Où en suis-je avec le bonheur? Il y a des semaines que nous galopons ensemble, mais quand je tourne la tête, il est à 100 lieues derrière moi. Alors je suis brutale, injuste envers mes amis s'ils veulent m'apaiser. Et puis un petit bonheur arrive, de bonnes nouvelles de mes enfants, une brave envie de travailler, et me voilà gaie comme un pinson. Voilà donc où j'en suis avec le bonheur. J'aime quand je boude et j'aime quand je ris. Aimer, de tout ce que je connais, c'est ce qu'il y a de plus large, de plus ennoblissant. Bah, vive l'amour quand même. Et m'exposer encore, comme une chose libre, maîtresse d'elle-même. Encore tout risquer. George Sand et Alfred de Musset, Une passion à Venise, de Christine Spianti, avec George Sand, Anne-Lise Heimburger, Alfred de Musset, Arthur Igual. Prise de son, montage et mixage, Bernard Laniel et Régis Nicolas, assistante à la réalisation, Justine Diebling, réalisation, Christophe Hoquet. Vous écoutez Autant n'importe l'histoire sur France Inter. On continue dans quelques minutes de parler de George Sand et d'Alfred de Musset avec mon invité Martin Reed. To tell the truth, I don't dare. Met your mother in an early, couldn't focus on a thing. Suddenly my life was clouded. The phone would have until I ring with Shirley Carford. Until I ring with Shirley Carford. Until I ring with Shirley Carford. Until I ring with Shirley Carford. Sad. You'd sooner draft me as a soldier than you'd have me for a dad. Into a dream I was tilted, into a dream I fell. Suddenly my life's gone easy. Where I was, I can't tell. Now I don't even see them. Now I don't even see. Happy's living in a closed eye. That's where I like to be. Sonny par Fontaine d'ici sur France Inter, Autant n'emporte l'histoire, réalisé par Anne Weinfeld, assistée d'Emmanuel Fournier, programmation musicale Thierry Dupin, à la technique Guillaume Roux. Martin Reed, que s'est-il passé donc de nouveau, d'inédit entre Alfred de Musset et George Sand? C'est quelque chose de nouveau? C'est un amour romantique? C'est certainement un amour romantique, mais je pense que ce qu'il y a de vraiment nouveau, c'est ce qu'on évoquait en début d'émission, c'est le côté médiatisé. C'est-à-dire que voilà une passion qui a fait couler énormément d'encre. Parce que déjà, tout le monde s'en est mêlé au moment où ça se passait. Ensuite, on sait que Musset va écrire ce qu'il appelle le roman de notre histoire, c'est-à-dire la confession d'un enfant du siècle. George Sand, beaucoup plus tard, écrira un roman qui racontera, mais la figure de la femme, c'est une artiste et ce n'est pas une romancière, etc. Elle va elle aussi donner sa version des faits. Ensuite, Louise Collet, qui est alors la maîtresse de Musset, va donner sa version des faits qu'elle aurait entendu raconter par Musset. Et finalement, le frère de Musset s'en mêlera aussi pour donner sa version. C'est-à-dire qu'on a, vous voyez, sur plusieurs années, dans un effet d'écho successif des différents personnages, des œuvres littéraires de qualité remarquable, et c'est évidemment le cas, et pour commencer avec La Confession d'un enfant du siècle. Et je pense que ce qu'il y a, à mon sens, de très extraordinaire dans cette relation, c'est que, en fait, les échos vont porter sur la manière dont l'un et l'autre vont continuer à travailler. Musset va rester très profondément habité de cette relation sentimentale dont on entendra des échos dans ses pièces de théâtre, de la même manière que chez George Sand, on entendra aussi, à la fois dans Gabriel, par exemple, un roman dialogué qu'elle publie en 1839, et dans d'autres textes encore, le souvenir de ce qui a sans doute été, pour l'un comme pour l'autre, la grande relation passionnelle, désastreuse évidemment, on l'a bien entendu, mais tout de même quelque chose qui a compté énormément. On a l'impression vraiment que ce sont un homme et une femme qui s'aiment, mais ce sont aussi deux écrivains, deux artistes, donc leur histoire d'amour se nourrit de littérature. Il y a comme une sorte de va-et-vient permanent entre littérature et histoire d'amour. Tout à fait, on l'entend bien dans ce qu'on vient d'écouter, c'est-à-dire que Musset met en vers, les lettres sont déjà, ils en ont plus ou moins conscience, cette correspondance qui est privée intéresse évidemment, intéressera la postérité. Il y a un caractère très littéraire dans les lettres, après elles ont été censurés par l'un et par l'autre, mais tout de même, ils font littérature, ils font constamment littérature, tout est littérature. C'est, à un moment, elle dit « nous jouons ». Oui. Nous jouons à écrire, nous jouons à nous aimer, mais en même temps, c'est une vraie histoire d'amour. En même temps, c'est une vraie histoire d'amour. Où ils manquent de mourir tous les deux, quand même. Il y a quelque chose de terrible. Enfin, ils jouent avec le feu. Hein. Oui, tout à fait. Et je pense qu'on ne retrouve pas dans la vie de Sand, comme dans la vie de Musset, d'ailleurs, on ne retrouve pas un moment aussi intense et qui est aussi intensément littéraire, puisque quand George Sand est resté à Venise et que Musset est à Paris, c'est à Musset qu'elle écrit, bien entendu, et elle charge Musset d'aller voir son fils, de porter telle ou telle nouvelle qu'elle a écrite à l'éditeur Bulloz, etc. Donc, le lien est là, constamment, le fil continue d'être tendu, et l'un et l'autre, justement, vont faire littérature de tout ça. C'est une étonnante relation, tout de même, puisque Musset appelle Georges mon Georges, elle l'appelle mon enfant, ils jouent ensemble tous les rôles, hein. On a l'impression, la mère, l'enfant, l'homme, la femme, le frère, la sœur, ils sont amis, camarades, c'est, tout est brouillé un peu. Oui, ça c'est tout à fait juste et on l'entend bien, je trouve, dans les propos, c'est-à-dire que Musset voit George Sand comme un camarade en littérature. Et à ce moment-là, il dit « mon Georges, oui, mon camarade, coup, mon frère ». On l'a entendu aussi à un moment donné, c'est une citation de la correspondance « mon frère ». C'est-à-dire que, de manière très intéressante, Georges Sand est réellement masculinisé dans la langue quand il s'agit de parler littérature. En revanche, évidemment, il est féminisé quand il s'agit de lui dire « je t'aime, je ne t'aime plus » ou « je t'aime ou maternisé de temps en temps aussi. Elle est, alors, et après, il y a l'utilisation de « mon enfant » mais qu'on trouve chez les deux. Mais je pense que vous avez tout à fait raison. Enfin, il y a un brouillage des genres. Oui, tout à fait. Il y a une oscillation constante entre masculin, féminin, jeune, vieux, ou en tout cas une autorité et l'autre, etc. Ce qui est étonnant aussi dans cette histoire, c'est la vision littéraire de Venise qui est donnée. Venise, jusqu'à présent, était donnée comme un lieu de plaisir, un lieu joyeux. Et là, avec la dimension romantique qu'il donne, il y a un côté plus funèbre, plus noir. George Sand qui voit cette gondole qui glisse sur l'eau, qui ressemble à un cercueil. Enfin, c'est une vision de Venise qui est nouvelle, au XIXe siècle, qui me fait penser un peu au texte de Thomas Mann, Mort à Venise. Il y a quelque chose de nouveau, non? De romantique? Oui, sauf que si on regardait du côté de George Sand ensuite, moi ce qui me frappe c'est que Venise est certainement l'endroit que George Sand a le plus aimé, et elle le dit. George Sand, en fait, a peu voyagé, au total. Elle a peu voyagé en Europe, et bien sûr, il y a l'affaire de Majorque, mais dans l'ensemble, en fait, elle n'aime que... Quand elle sera avec Chopin, oui, un voilà, autre exactement. Grand donc, amour. Donc, elle n'aime que Venise, et Venise va avoir une place considérable dans ses nouvelles et dans certains de ses romans. Alors, on a entendu citer Léone et Léoni, par exemple, et ça c'est tout à fait intéressant parce que ça se passe à Venise, et évidemment, le souvenir de l'Italie, d'une Italie un peu mythifiée, se trouve aussi, bien sûr, chez Musset. Que vont devenir Musset et George Sand à leur retour en France? Donc, George Sand retourne dans son Nohant, hein. Elle a les pieds plus ancrés dans le réel, hein, qu'Alfred de Musset. On sent que cette maison de Nohant, sa famille, c'est quelque chose qui la rattache au concret et qui la sauve d'une certaine manière. Oui, oui, tout même à fait. Si c'est-à-dire, elle retourne chez ses enfants et elle dit justement, quand elle passe environ 6 mois à Venise, et elle dit à quel point ses enfants lui manquent. Et justement, elle attend de l'argent pour retourner en France et voir ses enfants. Et à partir de là, elle va s'engager à divorcer. Et pour cette occasion, le divorce n'existant pas, en fait, elle va s'engager dans une procédure légale qui est celle de la séparation, seule chose qu'on peut obtenir à l'époque, et elle va faire la connaissance de Michel dit de Bourges. Michel est son patronyme, et donc cet avocat, Michel, va participer à une pensée politique beaucoup plus affinée, et George Sand va finir par devenir, pendant quelques mois, la maîtresse de ce dit Michel de Bourges. Est-ce que Alfred de Musset et George Sand resteront amis? Non. Il va y avoir différents échanges au moment de ces correspondances, d'échanges de correspondances. George Sand voudrait pouvoir disposer des lettres qu'elle lui a envoyées, et lui aussi. Et à ce moment-là, il y aura quelques échanges de lettres. Et puis, sans doute se reverront-ils, mais dans l'ensemble, c'est définitivement terminé. Ils ne se reverront plus. Il faut savoir que Musset mourra assez jeune. Oui, en 1857, à l'âge de 40 ans. Tout à fait. Parce que on pense qu'effectivement, son mode de vie et sa santé est fragile. Voilà. Et quelles sont les œuvres littéraires donc qui sont nées de cette relation? On a parlé des Confessions d'un enfant du siècle. On a bien sûr parlé des Confessions d'un enfant du siècle, une sorte de réponse, mais réponse tardive, de George Sand, Elle et lui, et ensuite par effet de ricochet, quelques textes que j'évoquais tout à l'heure. Mais je pense que plus généralement, on pourrait dire qu'il y a une sorte d'empreinte vénitienne chez Musset comme chez Sand, qui s'entend bien après leur relation. Et on a vraiment le sentiment d'une sorte de pivot, d'événement majeur, à la fois traumatique et affectif aussi, qui a donné à l'expérience vénitienne et cette histoire d'amour une force extraordinaire, y compris et en premier pour les deux protagonistes. Merci Martine Reed, vous êtes l'auteur d'une biographie de George Sand, parue chez Gallimard dans la collection Folio Biographie. Et toujours chez Gallimard, vous avez dirigé l'ouvrage en 2 volumes, Femmes et littérature, une histoire culturelle qui vient de paraître aux éditions Gallimard dans la collection Folio Essai. Et vous avez également préfacé dans la collection Folio toujours des lettres de Sand et Musset sous le titre « Oh mon Georges, ma belle maîtresse ». À lire bien sûr aussi les œuvres de George Sand et d'Alfred de Musset qui sont disponibles chez Gallimard, en poche, chez Folio et dans la Pléiade. Voilà, c'est la fin d'Autant n'importe l'histoire pour aujourd'hui. Vous pouvez réécouter, podcaster cette émission sur notre site franceinter.fr. Vos commentaires y sont les bienvenus, ainsi que sur la page Facebook. La semaine prochaine, nous partirons à Sarajevo en 1914 en compagnie d'un homme qui voulait vivre bourgeoisement, mais le destin en a décidé autrement, l'archiduc François Ferdinand d'Autriche-Hongrie, dont l'assassinat en 1914 déclenchera la Première Guerre mondiale. Sarajevo, mon amour, l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand, c'est dimanche prochain dans Autant n'importe l'histoire.